Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est l'heure du journal Parler en français, la grande édition de ce 24 janvier 2017. Voici les grandes articulations de ce journal. Des coups de feu ont été entendus dans les environs du camp Mukoni en commune et province Muyinga. 5 personnes sont déjà dans la main de la police pour enquête. Nous appellerons notre correspondant dès le début de ce journal. C'est la satisfaction dans l'association AVDP de défense des droits des prisonniers après la grâce présidentielle accordée à plus de 2000 prisonniers dont certains ont quitté la prison d'Omima Désir. Une prison surpeuplée comme toutes les autres maisons pénitentiaires du pays. C'est pour cette raison que la ministre de la Justice demande aux instances judiciaires de privilégier les dossiers de ceux qui sont déjà sous les verrous afin de désengorger progressivement les prisons. Et dans la chronique santé, un médecin spécialiste nous donnera des éclairages sur la migraine que certains confondent avec les maux de tête ordinaires. Bonjour. Prestation de serment ce mardi du nouveau ministre de l'Eau et de l'Environnement devant le président de la République à l'hémicycle de Kigobe. C'était ce matin. Célestin Ndayizeye était jusqu'ici sénateur de la circonscription de Muranvia. Il remplace feu Emmanuel Niyonguru, récemment tué par balle. Des crépitements d'armes ont été entendus dans les environs du camp militaire de Mukoni, en commune Muyinga, entre 2h et 4h de ce mardi. Des sources administratives et policières parlent d'une bande armée qui a attaqué ce camp. Des arrestations des présumés membres de cette bande sont en cours. Dieudonné Zeyman. À partir de 2h15, des crépitements d'armes ont été entendus par les habitants des quartiers proches du camp Mukoni, ici au chef-lieu de la province Muyinga. Des tirs intermittents ont été entendus jusqu'à vers 4h, d'après les habitants du quartier Mukoni. Dans la matinée, des fouilles ont été opérées de manière inhabituelle dans les véhicules à Mukoni Koma Gasenyi à l'entrée de la ville. Des sources policières et administratives indiquent que la police rechercherait des membres d'une bande qui aurait tenté d'attaquer le camp militaire de Mukoni. Des arrestations des présumés membres de la bande ont été opérées. Mais côté administration et police judiciaire, aucune communication quant à l'effectif des personnes déjà arrêtées. L'opération de traque des présumés malfaiteurs se poursuit d'après un cadre de police. Des jeunes civils contribuent à ces arrestations. Certains habitants de Muyinga demandent à la justice de se saisir du cas dans l'urgence pour connaître la vérité sur ce dossier impliquant des individus qui seraient originaires d'autres provinces, tel Gitega et Kayanza, d'après un des jeunes affirmant avoir participé à l'opération de traque des présumés malfaiteurs dans la petite matinée de ce mardi. Dieudonné Zeymana de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné pour ces détails sur ce qui s'est passé au camp Mukoni. Le porte-parole de défense nationale déclare que ce camp n'a pas été attaqué comme le pensent certains. Il déclare plutôt qu'il s'agit d'un groupe d'armées qui voulait distraire les forces de défense afin de voler la population environnante. Dans un point de presse animé ce mardi, le colonel Gaspard Baratouza a aussi indiqué que 5 personnes ont été arrêtées, 4 fusils de type Kalachnikov saisis ainsi que 10 chargeurs. Et 2 grenades. L'élément en patrouille aux environs du bataillon support 4e région militaire appelé communément Kamuyinga ou Kamukoni, il y a eu 2 coups de feu qui se sont entendus. Provenance d'une arme d'un individu qui était posté en vue de faire freinage à l'élément en patrouille qui coïncide avec des missions ordinaires des non-militaires. Au même moment, c'était vers 2h30 du matin, la population et les autres forces de sécurité ont été arrêtées. Ils ont bouclé toutes les sorties, les voies de sortie de Muyinga. Et vers 5h du matin, ils ont passé à l'action de patrouille conjointe. Le résultat à 6h du matin était le suivant. 4 armes de type Kalachnikov ont été saisies à plus de 300 vers 400 mètres du camp Mukoni. 10 chargeurs de ces mêmes armes ont été saisis, 2 grenades récupérées ainsi que 5 suspects ont été arrêtés. Leur motif peut-être était pour voler la population environnante dans les ménages, mais ils sont arrêtés à la patrouille et à la vigilance de nos militaires, j'ai écarté la notion d'attaque de camp militaire. Avoir l'effectif de cet élément-là, et un camp militaire de plus de 600, envoyer moins de 10 pour attaquer ce camp, ce serait une aventure où personne ne peut comprendre. Un seul a tiré, les militaires n'ont même pas du poste. C'était le colonel Gaspard Baratouza, porte-parole de la Force de défense nationale. Il est 13h01 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Deux personnes, parmi lesquelles un certain Yohire Olivier, alias Bogard, un bandit de renom qui s'était récemment évadé de la prison centrale de Rumonge après avoir été jugé, ont été arrêtés à Rwanghona, sur la colline Kirimba, en province Ebruri. C'était vers 23h de ce lundi. Certains habitants de Kirimba, qui craignaient d'être cambriolés la nuit, ont alerté la police de Ebruri, comme le rapporte notre correspondant Jean-Pierre Misago. Selon certains habitants de Rwanghona, ils ont été réveillés par des coups de feu vers 23h de ce lundi, croyant à une attaque armée. Le commissariat de police d'Abruri confirme que des coups de feu ont été tirés par la police qui cherchait à maîtriser un certain Yuhire Olivier et ses complices, mais l'un d'entre eux, Kile Roger, a pu passer dans les mailles du filet, selon la police d'Abruri, qui ajoute qu'elle avait été alertée par certains habitants de Kirimba et ceux des collines voisines sur la présence d'un gang commandé par Olivier Niuhire, surtout la nuit, en défonçant maisons et boutiques sans que personne n'ose les dénoncer. Cependant, la police de Bururi le recherchait également. Il avait en effet un message de la prison centrale de Rumonge qui recherchait Olivier Niuhire, originaire de Kirimba, et évadé de cette maison de détention le 7 janvier courant où il était détenu. Après le jugement du tribunal de grande instance de Rumonge, le condamna à 30 ans de prison ferme pour tentative d'évasion de la prison, tentative d'assassinat des policiers et destruction méchante. Le même message est précisé qu'il avait été arrêté par le parquet de Makamba pour le vol qualifié et tentative d'assassinat, selon des sources policières à Bururi. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Et l'association AVDPE de défense des droits des prisonniers se dit satisfaite de la récente mesure de grâce présidentielle à l'intention de 2500 prisonniers. La mise en application de la mesure a en effet débuté hier lundi à la prison centrale de Mimba. Jean-Pierre Ninereté, président de cette association, appelle les bénéficiaires de cette grâce à tout faire pour ne plus tomber dans les mêmes infractions, mais aussi les administratifs devraient les encadrer dans leur famille. Jean-Pierre Ninereté, au téléphone avec Léonce Vitaliou. Cette mesure, c'est une mesure louable, que ce soit du côté des familles et même au niveau du pays, parce que le pays aussi en profite, parce que quelqu'un qui est emprisonné, qui ne travaille pas, c'est une perte grave pour le pays et les familles. Pour le moment, quand il est en activité, il sert au développement du pays et de les familles. Il est des cas où des détenus sont libérés, mais quelques jours après, ils sont de nouveau arrêtés. Quel serait l'appel que vous lancez aux uns et aux autres, ceux qui sont libérés, les administratifs et les familles d'accueil? Ces cas arrivent, mais ce sont des cas rares. Ils doivent se comporter comme les autres dans leur milieu. Et même les familles ou les entourages doivent aussi participer à l'encadrement de ces prisonniers qui viennent d'être libérés. Et même si le gouvernement aussi, s'il y a la possibilité de les suivre, d'être toujours auprès de ces prisonniers, surtout l'administration locale, ça sera une bonne chose. C'était Jean-Pierre Ninereté, président de l'association AVDP, œuvrant pour la défense des droits des prisonniers. La prison centrale de Mimba abrite plus de 3500 détenus, alors que sa capacité d'accueil est à 800 ou plus. Le directeur général des affaires pénitentiaires dit que ce problème est lié à la lenteur des dossiers des prisonniers au niveau des parquets et tribunaux. Gervais Ajayan dit demande au ministère de la Justice de prendre en main cette question commune à toutes les prisons du pays. La ministre Aimée Laurentine Kanyana demande aux magistrats d'étudier prioritairement les dossiers des prisonniers. Le point avec Alain Désiré Bokayenez. Depuis la mise en place de la prison centrale d'Omimba en 1958, la capacité d'accueil des détenus était estimée à 800 au plus. Au moment où plus de 500 condamnés vont être libérés de cette prison, la population carcérale s'estimait à 3654, soit un taux d'occupation de 451,38%. Parmi ceux-ci, seuls 1010 prisonniers ont déjà été condamnés. Le directeur général des affaires pénitentiaires qui l'annonce soulève la lenteur du traitement des dossiers par les magistrats comme cause du nombre élevé des détenus. Gervais Ajayandi demande à la justice de s'occuper de cette question. En général, nous avons un problème de surpeuplement dans les prisons, ce qui engendre des conséquences néfastes sur la vie carcérale. C'est notamment le retard des procès qui fait augmenter les effectifs de ceux qui restent en prison, ce qui constitue un obstacle sur l'organisation de certaines activités en prison, à l'occurrence ce qui concerne les décisions de liberté conditionnelle, la grâce présidentielle. Nous demandons que cette question de retard des procès soit étudiée. La ministre de la Justice s'appelle aux magistrats de traiter prioritairement les dossiers des prisonniers. Il faut que les magistrats compatissent avec les détenus, car quand on est en prison, c'est comme si la vie s'arrête. Mettez-vous à la place de ces prisonniers. Ils veulent être libres. Il faut traiter leurs dossiers dans de meilleurs délais. Que de tels dossiers soient une priorité pour vous. S'il y a un manque du personnel, dites-le nous, parce que vous n'avez jamais mentionné le problème que vous avez. Aimé Laurentine Kanyana annonce avoir déjà mis en place une commission dirigée par le substitut du procureur général de la République chargé du suivi des dossiers des prisonniers. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, toutes les provinces du pays ont été touchées par la sécheresse qui s'observe, ce qui réduirait considérablement la récolte. Le ministre de l'Agriculture et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage va proposer au gouvernement des mesures d'accompagnement en fonction des statistiques faites sur la récolte. Et cela a été dit par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage dans l'après-midi de ce lundi. C'était lors de la présentation du bilan annuel de l'an 2016. Suivi le ministre Dr Deo Guide Roulema. Nous sommes conscients que toutes les provinces du pays ont été touchées par cette sécheresse qui s'observe, mais je voudrais tranquilliser. Toutes les cultures n'ont pas connu ce stress de la même manière à travers tout le pays. Après l'évaluation de la situation, nous allons proposer des mesures au cas où la récolte serait très réduite. Nous n'allons pas hésiter à proposer des mesures en fonction de l'évaluation, en fonction des statistiques qu'on va avoir pour le bien-être du Burundi et pour le bien-être de toute la population burundaise. Au sujet des insectes ravageurs qui attaquent les plantes, à savoir le maïs dans différentes provinces du pays, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage indique qu'ils ont déjà identifié l'espèce en question et son mode de nuisance. Selon le ministre de l'Agriculture, l'avertissement précoce au niveau de la population va être fait pour prévenir ce problème. On observe une prolifération de nouvelles espèces. Ce sont des chenilles qui attaquent principalement le maïs et le sorgho. Et le ministère est prêt. Nous avons déjà fait une retraite et nous avons fait des descentes sur terrain pour analyser la situation. La situation est réelle. Mais ce que je vous dirais qui est très extraordinaire, c'est que dans 2 mois, nous avons déjà identifié cette espèce qui est nouvelle et son mode de nuisance. Nous sommes en train d'organiser les services en charge de la protection des végétaux pour qu'on puisse prendre des stratégies nouvelles. Et ces stratégies, ce ne sont pas nécessairement des stratégies curatives, mais surtout l'avertissement précoce au niveau de la population. Et en synergie avec l'administration, nous allons essayer d'encadrement rapproché pour qu'on puisse identifier le mal et l'avertir à temps, parce que si vous tardez et que le stade évolutif de ces ravageurs évolue beaucoup. Nous avons remarqué que ces chenilles entrent souvent dans sa phase de développement dans les tiges ou à l'intérieur des fruits. Et à ce moment-là, même si vous utilisez n'importe quelle quantité de pesticides, ça ne va pas servir. Deo Guide Roulema, c'est le ministre en charge de l'agriculture et l'élevage. À la source, reportage. Le reportage d'aujourd'hui nous conduit à Mousseigny, en commune Mabanda de la province de Makamba. Là-bas, les détaillants des produits Braroudi trouvent impossible l'harmonisation des prix officiels avec ceux pratiqués à Bujumbura. Ils expliquent qu'ils sont dans des coins éloignés des dépôts Braroudi et se voient obligés de supporter les frais de transport. L'administrateur communal de Mabanda demande à ses détaillants de se confier à l'administration pour fixer la marge à ne pas dépasser compte tenu de la distance. Reportage signé Placide Niyomongere. Telles sont les lamentations des détaillants des produits Braroudi dans la zone de Mousseigny à Mabanda, où il est difficile de trouver un produit Braroudi dont son prix officiel n'a pas été modifié. Ces vendeurs expliquent que pour une bouteille Primos qui coûtait 1500 francs avant la révision de prix, ont pris la mesure d'ajouter encore 100 francs parce que le prix du casier a été aussi revu à la hausse au niveau des dépôts Braroudi. Si on observe ces prix, une bouteille Primus s'achetait à 1500 francs ici à Mousseigny, alors qu'à Mabanda, il était à 1400 francs. Aujourd'hui à Mabanda, une Primus coûte 1500 francs et ici on nous oblige de la vendre au même prix alors que les prix ont été revus à la hausse. Un casier Primus s'achetait à 15 500 francs, mais il est actuellement à 16 800 francs. Est-ce qu'on doit rester à 1500 francs? Qu'on mette ces produits à notre disposition, comme c'est le cas ailleurs, afin de respecter le prix. Certains de ces vendeurs expliquent également qu'ils n'observaient pas ces prix officiels telles que fixées suite à la distance les séparant des dépôts Braroudi. Si je m'approvisionne en produits Braroudi ici à Mousseigny pour rentrer à Boudaketwa à peu près à 4 km, je paie 1500 francs et je dois ajouter quelque chose pour que j'ai un bénéfice. Certains de ces vendeurs se sont vus taxés d'une amende, accusés de ne pas respecter ces prix. Certains se sont désengagés de ce commerce. Même si on achète un casier pour la fête, on doit payer 16 800 francs. Est-ce qu'il est possible de livrer la bouteille à 1 500 pour en tirer combien? On nous a refusé de vendre la Primus à 1 600 francs alors que c'est au niveau des dépôts où on a revu à la hausse ces prix. Faut-il aller chercher ces produits et travailler à perte et ensuite s'exposer à des amendes? Certains détaillants se sont désengagés de ce commerce. Au niveau de la commune de Mabanda, on accepte que certains détaillants sont au coin le plus reculé. Laetitia Nyonguru, l'administrateur, trouve que la Braroudi devrait faciliter la tâche. Les dépôts de Braroudi ne sont pas localisés partout, même dans les sous-collines. C'est quand même dans quelques centres. Le centre de Mabanda et le centre de Mousseigny. Peut-être que la Braroudi verra comment le camion peut déplacer à chaque zone. Ça me serait facile d'harmoniser ses prix. Et quant à la fixation des prix à ce commerçant le plus reculé, l'administrateur Laetitia Nyonguru trouve que l'administration doit être associée. On est obligé de négocier avec ces commerçants détaillants, voir est-ce que vous dépensez combien pour déplacer le casier de Primus dans Moutirkwa, vous dépensez combien pour voir que le consommateur ne dépense pas beaucoup et que aussi le commerçant trouve bénéfice. La province Makamba met en garde les commerçants spéculateurs. Gadi Niyokuri, le gouverneur, explique que ces commerçants s'exposent à des amendes, que qu'une bonne marge bénéficiaire est celle qui se conforme à la loi. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est l'actualité internationale avant la chronique santé, comme je vous l'avais dit dans les titres, qui traitera de la migraine. En Côte d'Ivoire, la contestation d'ex-rebelles démobilisés se fait sentir à Boaké. Il demande d'être traité de la même façon. Et en Gambie, le nouveau président Adama Barrow a nommé Fatoumata Diallo Tamba-Djanga au poste de vice-présidente. Et en RDC, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi doit quitter Kinshasa ce mardi pour Bruxelles. L'Union pour la démocratie et le progrès social ne précise pas les raisons de ce voyage. Les détails avec Kritela Nizigama. En République démocratique du Congo, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi doit quitter Kinshasa ce mardi pour Bruxelles. Son parti est en pleine négociation avec la majorité présidentielle. Ce voyage longtemps programmé a été plusieurs fois reporté à cause de la situation politique au pays. L'Union pour la démocratie et le progrès social ne précise pas les raisons de ce voyage, mais l'entourage d'Étienne Tshisekedi a indiqué que celui-ci retournait en Belgique pour un contrôle médical. Selon le site de la BBC Afrique, Étienne Tshisekedi, concurrent de Joseph Kabila lors de la présidentielle de 2011, il est la figure de proue des rassemblements d'opposition constitués en juin pour exiger le départ du chef de l'État sortant au terme de son mandat le 20 décembre dernier. En Gambie, le nouveau président Adama Barrow a déjà commencé les consultations concernant les personnalités qui l'entoureront durant son mandat. Le nom de Fatoumata Diallo est rapidement retenue, elle a été nommée vice-président. Elle a été militante des droits de la femme et ancienne ministre de la Santé. Elle a également occupé un poste au sein de l'Organisation des Nations Unies. Elle fait partie des cadres de la coalition à l'origine de la candidature d'Adama Barrow à l'élection présidentielle du 1er décembre 2015. En Côte d'Ivoire, les conséquences des mutineries au début du mois se font toujours sentir. Après un coup de sang de militaires dans différentes villes, le pouvoir a accordé 12 millions à quelques 8 500 soldats, pour la plupart anciens rebelles pro-Ouattara. Une somme qui, selon eux, leur avait été promise durant la guerre et dans les accords de paix de Ouagadougou. Mais désormais, d'autres groupes ayant combattu demandent le même traitement. C'est le cas des anciens rebelles démobilisés et désormais dans le civil. Ladji Ouattara, ancien démobilisé, demande qu'on respecte les anciens combattants, mais pour lui, pas question de prendre une arme pour revendiquer. Comme nous le lisons sur le site de la Radio France Internationale, beaucoup d'ex-combattants sont au chômage. Leurs leaders craignent que la frustration entraîne certains à manifester violemment leur colère. Radio Isanganiro Chronique. Place maintenant à la chronique santé. Je vous l'avais dit, nous parlons de la migraine. La migraine est un mal de tête qui se distingue des autres maux de tête par sa fréquence, sa durée et son intensité. Elle peut partir d'elle-même ou nécessiter un traitement, comme l'explique Dr Rémi Hagerimana, il est neurologue. Et c'est dans cette chronique que vous a été préparée par Clarine Mourouziz. La migraine est un mal de tête qui est facial. Elle peut durer de 3 heures à 72 heures. Docteur Rémi Hagerimana dit aussi qu'elle s'accompagne souvent de nausées. La migraine est une sorte de céphalée qui est un peu particulière parce qu'elle peut durer quelques heures à quelques jours. C'est souvent 3 heures à 72 heures de temps, cette crise de mal de tête. Et la fréquence de ce mal de tête peut aller jusqu'à plusieurs crises par semaine, ou bien n'avoir qu'une crise par an, ou bien une crise par mois, qui est pulsative, surtout au niveau des tempes, qui fait des pulsations, comme s'il y avait le cœur là-bas qui bat. Et puis après, ça va s'accompagner souvent par des nausées, des fois même des vomissements, et surtout des palpitations. La personne qui a cette migraine aura du mal à s'approcher de la lumière et du son, comme elle peut aussi avoir des flous visuels. Quand cette céphalée s'est déjà installée, la patiente va nécessairement avoir peur de voir la lumière. On appelle les photophobies. Elle aura peur d'entendre beaucoup de bruit. Autre chose qu'on voit, c'est toucher les femmes. Des fois, les menstruations sexuelles peuvent entraîner effectivement cette migraine de ces céphalées qui apparaissent uniquement au moment des règles. On peut avoir aussi une perte temporaire de la vision. Des flous visuels, des éclairs lumineux, ou bien surtout des sortes d'étincelles qui viennent en face des yeux. Elle aura peut-être des couleurs vives qui sont devant les yeux, sans savoir d'où est-ce que ça vient, ainsi de suite. D'après Dr Rémi Hagerimana, même si la migraine est une maladie de tout sexe, il y aurait une catégorie de personnes qui est plus touchée. En réalité, ce qu'on voit le plus souvent, la migraine touche trois fois plus les femmes que les hommes. Le plus souvent aussi, ce sont les jeunes filles, surtout entre 10 ans et 25 ans, qui vont vous décrire des céphalées hémicraniennes, épuisatives, avec nausées, parfois vomissements, des palpitations, ainsi de suite, avec beaucoup d'absentéisme scolaire. Les vraies causes de cette migraine ne sont pas connues jusqu'à aujourd'hui. Des fois, elle part d'elle-même, comme elle peut exiger un traitement. La cause vraiment reste jusqu'à présent inconnue. On essaie de chercher les mécanismes. À un moment donné, on se disait que ça pourrait être dû à un problème de vasodilatation, vasoconstriction, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui, à un moment donné, se contractent et à un moment donné, se relâchent trop. Et effectivement, quand on fait la crise de migraine, c'est que, effectivement, le vaisseau se relâche, il y a une vasodilatation, ce qui entraîne effectivement ce qu'on a les pulsatilités, la céphalée pulsatile qu'on a au niveau des tempes. Parce que probablement, avant, il y avait une grande vasoconstriction, après, il y a une grande vasodilatation, et ça va entraîner un déséquilibre, effectivement. Il y a le traitement médical, effectivement, qu'on donne, mais aussi, on doit discuter avec la patiente, mais avec le patient, le comportement qu'il faut adopter. Il faut être relax, il faut faire du sport, il faut se mettre à l'aise, il faut éviter les stress, les contrariétés, n'est-ce pas? Et puis, souvent, ça marche. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres facteurs. On voit souvent des patientes, quand ils prennent du chocolat, quand ils prennent du café, la migraine se déclenche très rapidement. Docteur Rémi Agrimana, neurologue, conseille à ceux qui ont des maux de tête d'éviter l'automédication et d'aller voir un neurologue plutôt qu'un ophtalmologue, comme c'est souvent le cas. Merci Clarine, merci Docteur Rémi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons un très bon après-midi.